il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. Du mal d'amour. il pleurait, pleurait, pleurait sans bruit. Oh, triste vie, celle des clowns qui let's